جايب شيء طيب، لكن هذا ما هو موجود، هذا مستحيل. يعني أجل التوحيد بخمس دقائق والفقه بخمس وعلم الحديث والتفسير على خمس خمس وعشرين دقيقة ما شاء الله. هذا كلام مبالغة مبالغة ولا وهذا الظاهر الحامل عليه التقليل من شأن التوحيد هو الحامل. الله يهديهم ويصلحهم. نعم. Nous avons choisi de commencer ce document où Cheikh Al-Muhaddis Ahmed bin Yahya Al-Najmi rahimahullah va montrer le statut de Safar Al-Hawali, Salman Al-Ouda, Aïd Al-Qarni et Nasser Al-Umr par ce préambule où Cheikh Salih bin Fawzan Al-Fawzan hafidahullah s'étend d'une parole de Salman Al-Ouda qui prétend qu'il serait possible d'enseigner Al-Aqida, la croyance, et Tawhid, le monothéisme, en 5 minutes. Cheikh Salih Fawzan, hafidahullah, juge ce propos comme étant de l'exagération. Au pire, c'est du dénigrement de la Aqida et du Tawhid. Fin de la parole de Cheikh Salih Fawzan, hafidahullah. En effet, pour ces Ikhwani Khawarij Takfiri, l'essentiel n'est pas la Aqida, ni l'adoration. Comme nous allons revoir cela dans les remarques de Cheikh An-Najmi rahimahullah sur Al-Qarni, l'essentiel pour eux est ce qui permet d'accéder au pouvoir, comme si on était dans un état de kufr, de jahiliya, où les partis et les politiciens briguent les postes de pouvoir et ignorent complètement la finalité pour laquelle Allah avait créé les hommes et les djinns. Ces prétendus du'ats qui copient la pensée occidentale en terre d'islam n'accordent pas non plus assez d'importance à cette fin, c'est-à-dire la finalité de créer les hommes et les djinns. Tout au contraire, leur attention est focalisée sur le pouvoir, sur Al-Hakimiyya. Ils sont hantés par la médisance des gouverneurs musulmans et par l'incitation des foules à se rebeller. Nous rappelons aussi que Safar Hawali et Salman Al-Ouda ont été arrêtés et interdits de faire da'wah sur avis de Cheikh Ibn Baz rahimahullah à cause de leur danger sur la société. Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah avait aussi signalé que certaines de leurs cassettes contiennent des erreurs. Écoutons la fatwa de Cheikh Najmi rahimahullah sur le statut de ces individus. Puis passons à sa traduction en langue française. Alhamdulillah. Wa salatu wa salamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Fa inna haulai al-qawm. Alladhina hum. Salman al-Awda. Wa Safar al-Hawali. وعايض القرني هؤلاء من الناس التكفيريين ومن الناس الذين يثيرون العوام على الدولة وأقوالهم مكتوبة ومسجلة ومعروفة ويجب عليهم أن يتوبوا إلى الله منها. وحتى عايض القرني الذي يقول صل ما شئت وصم فالدين لا يعرف العابد من صلى وصام أنت قسيس من الرهبان ما أنت من أحمد يكفيك الملامة. وبعد ذلك يأمر من يطيعه بأن يجاهدوا الحكام ويقول لا تبخل بدمك الطهري، دمك الطهري لا تبخل به. وكذلك يسمي جماعته الشباب يسميهم عبيد الإيمان ويسمي رجال الدولة سميهم عبيد الأرض وما أشبه ذلك من الكلام. وكذلك سلمان العودة أيضا كلامه في الفتاة الملتزمة معروف، وهو إثارة على الدولة، وهو أمر بالخروج، وهذا كله مخالف لما أمر الله به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز أن يقال عن هؤلاء أنهم من العلماء، إنما هم من الخوارج. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين وأن يقيهم شر هؤلاء الخوارج، فإنهم يريدون بالدولة وبالناس يريدون بهم سوءا، لكن نسأل الله أن يحول بينهم وبين ما يريدون. أما زيد المرغلي وربيع بن هادي فإن قالوا فيهم ما قالوا فمواقفهم معروفة، قالوا حقا والحمد لله، وسجلوا حقا وأمروا بحق، وهم من أهل العلم الذين يجاهدون في سبيل الله من أجل إعلاء كلمة الله. فإذا كان هؤلاء يقولون فيهم فإنما يريد الله عز وجل أن يتحملوا ما عندهم من الخطايا وأن تزيد يعني خطاياهم، خطايا هؤلاء الذين يتكلمون فيهم، وأن يضاعف لهم الأجور يوم القيامة. نسأل الله أن يصلح الأحوال وأن يلهم أهل العلم رشدهم، وأن يلهم الدولة ورجالها رشدهم حتى يقفوا مع الحق وينصروا أهل الحق. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ناصر العمر هو منهم، هو منهم. جزاك الله خير. Voici la fatwa du Cheikh Ahmed Najmi rahimahullah concernant le statut de Safar al-Hawali, Salman al-Ouda, Aïd al-Qarni et Nasser al-Umur. Il dit rahimahullah, Alhamdulillah, louange à Allah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, que la prière et le salut soient sur le messager d'Allah, wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, ainsi que sur ses suiveurs et compagnons, en très grande quantité. Wabad, et après toute chose, ces gens que sont Salman al-Auda, Safar al-Hawali et Aïd al-Qarni font partie des gens de takfir. Note du traducteur, le takfir est le fait de prononcer la mécréance majeure sur quelqu'un, de le déclarer mécréant, kafir. Le takfir ici renvoie à un sens péjoratif, c'est-à-dire celui qui est injuste et qui est le fait de gens d'innovation et de passion, comme ceux dont il s'agit dans la fatwa, qui déclarent mécréants soit des gouverneurs musulmans n'ayant pas réellement contracté une mécréance majeure, soit des pécheurs musulmans à cause de certains actes, paroles ou croyances qui ne relèvent de la mécréance que dans l'esprit de ces takfiris forcenés. Tandis que les savants ancrés dans la science, ar-rasikhuna fil ilm, considère ces faits de la part de ces pécheurs musulmans comme des erreurs et des péchés et non pas comme du kufr. Fin de l'annonce. Le Cheikh Rahimallah disait, ces gens font partie des tekfiris et des gens incitant la foule à l'émeute contre l'État. Leurs paroles sont transcrites, enregistrées et bien connues et ils doivent s'en repentir à Allah. Même que Aïd al-Qarni dit, accomplis la salat et le jeûne comme tu veux, alors que la religion ne reconnaît pas comme adorateur celui qui prie et qui jeûne. Tu es un prêtre parmi les abbés. Tu n'as pas de rapport avec Ahmed. T'en as assez de blâme. صلي ما شئت وصم فالدين لا يعرف العابد من صلى وصام أنت قسيس من الرهبان ما أنت من أحمد يكفيك الملامة. Note du traducteur. Ceci est une parole très grave et qui dénote d'une très grande ignorance de l'islam jusqu'à ses fondements élémentaires. Dire que la religion ne reconnaît pas celui qui prie ou qui jeûne ne peut sortir que de la tête d'un ignare. Qualifier une telle personne de prêtre ou d'abbé n'ayant pas de relation avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est du takfir pur et simple. Fin de la note. Le cheikh rahimahullah poursuivait. Et ensuite, il ordonnait, c'est-à-dire à Al-Qarni, il ordonnait à ses suiveurs de combattre les gouverneurs en insufflant ceci. Ne sois pas avare de ton sang sanctifié. Ton sang sanctifié ne l'épargne pas. La tabkhal bidami kattohri. Damu kattohri la tabkhal bihi. Note du traducteur. Dans ce vers, Aed Qarni incite à verser le sang entre musulmans. Et c'est la da'wa de tous les khawarij, incorrigible, depuis qu'ils avaient versé le sang de Uthman ibn Affan radiallahu anhu jusqu'à la fin du Dajjal, l'Antéchrist. Fin de la note. Le Cheikh Rahimahullah poursuit. C'est ainsi qu'il, c'est-à-dire Aed Qarni, appelle esclave de la foi, Abid l'Iman, le groupe de jeunes qui le suivent. Et il appelle esclaves de la terre, Abid al-Ard, les agents de l'État. Ou une parole similaire à ce genre. De même pour Salman al-Aouda, ses paroles dans Al-Fatat al-Multazima, la jeune fille droite, ses paroles sont connues. C'est de l'incitation à s'insurger contre l'État. Et c'est un ordre d'accomplir l'acte de khuruj. La rébellion. Tout cela est contraire à ce qu'Allah avait ordonné par la voix de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il est illicite de dire de ces gens que ce sont des savants. Ils ne sont que des khawarij. Innama hum min al-khawarij. Nous implorons Allah d'améliorer les conditions des musulmans et qu'il les protège du mal de ces khawarij-ci. Car ils veulent du mal à l'État et aux gens. Mais nous implorons Allah de les empêcher de ce qu'ils veulent commettre. Tandis que pour ce qui est de Zayd al-Madkhali et Rabi ibn Hadi, quoi qu'ils disent à leur sujet, leurs positions sont connues. Ils profèrent le vrai et toute la louange est à Allah. Ils ont inscrit le vrai et l'avaient ordonné. Ils sont des gens de science qui font un jihad pour Allah afin de rehausser sa parole. S'ils médisent d'eux, c'est qu'Allah Azza wa Jal veut qu'ils assument aussi bien leurs propres péchés, qu'ils endossent aussi les péchés de ceux-ci desquels ils bavassent, et qu'Allah multiplie les récompenses au jour de la rétribution à ces savants, c'est-à-dire Zayd al-Madkhali et Rabi' ibn Hadi. Nous implorons Allah de réformer nos situations, qu'il inspire aux gens de science leur sagesse. Et qu'il inspire aussi à l'État et ses agents la sagesse pour être du côté du vrai et pour soutenir ces gens. Et que la prière soit sur notre prophète Mohammed, ainsi que sur ses suiveurs et compagnons. Un intervenant s'interroge sur le statut de Nasser al-Umur. Et le Cheikh Rahimallah répondit. Lui aussi fait partie de ces gens. Nom du traducteur, c'est-à-dire de Salman, Safar et Aed. Fin de la note. Et l'intervenant remercie le Cheikh. Qu'Allah vous récompense par le bien. Jazakallahu khairan. Fin de sa traduction.